Chimiques qui participent à notre vie amoureuse, car ce sont plus de 250 substances sécrétées naturellement par notre organisme qui interviennent aux différents stades du processus amoureux. We'll be right back. Mind. Mind.